L'enfant se taisait, grave, amer. Cette femme, après tout, était-elle sa mère? Oui, non. Ceux qui milaient autour d'elle leurs pas en parlaient au hasard et ne le savaient pas. L'infortune est de l'ombre, et peut-être cet ange n'avait-il même pas une mère de fange, hélas. Et l'humble enfant, seul sous le firmament, marchait terrible, avec un air d'étonnement. Elle ne paraissait ni vivante ni morte. Mais qu'a donc cet enfant à songer de la sorte? Disait-on autour d'elle. Est-ce qu'on la connaît? Non. Les gens lui donnaient du pain et qu'elle prenait sans rien dire. Elle allait devant elle, indignée. Pour moi, rêveur, sa main tenait une poignée d'invisibles éclairs montant de bas en haut. Ses yeux, comme on regarde un plafond du cachot, regardait le grand ciel où l'aube ne sait naître que pour s'éteindre. Et tout l'ensemble de cet être était on ne sait quoi d'âpre, de bégayant et d'obscur, d'où sortait un reproche effrayant. La ville avec ses tours, ses temples et ses bouges, devant son front hagard et ses prunelles rouges s'étalait. Vision inutile. Et jamais elle n'avait daigné remarquer ces sommets qu'on nomme Panthéon, étoiles, Notre-Dame. On eût dit que sur terre elle n'avait plus d'âme, qu'elle ignorait nos voix, qu'elle était de la nuit, ayant la forme humaine et marchant dans ce bruit. Et rien n'était plus noir que ce petit fantôme.